boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Pour ouvrir notre 146e Pop and Rock. Ok, je ne suis pas original car les ricains de la grosse pomme ont déjà ouvert notre Pop and Rock la semaine passée. Mais je vous avais prévenu, on aime Parquet de Courts dans Pop and Rock et nous les retrouverons encore, comme d'ailleurs le groupe qui arrive, que je connaissais juste de nom, comme on dit, une douzaine d'albums au compteur, avec le dernier qui vient de sortir en 2021, Dinosaur Junior. Le groupe du chanteur Jay Massis va nous donner une belle énergie dans laquelle je vous propose de plonger tout de suite. Let's hide it, let's hide it, let's find another one. decide it. If it's free, do we drown? Come on, let's hide it. Let's hide it. Let's hide another mess. Come on, let's try it. Do we need it? Do we need one more of this? Back to the way I meant it. Sur ce que je crois être le 12e album des gars du Massachusetts. Ouais, encore des Ricards dans Pop and Rock. Faut croire que le gros son des bouffeurs de maïs grillés me fait du bien, surtout quand dans un titre, je crois trouver un peu de cure dans l'intro, comme dans Enemy de Dinosaur Junior qu'on se fait maintenant. What I cost myself, think I lost myself. Nous sommes bien lundi entre 17h et 18h, vous êtes dans Pop and Rock sur la trail locale Radio Val de Rhin et on découvre comme nouveauté ce soir Dinosaur Junior. Dinosaur Junior pour notre première triplette nouveauté du soir. Si vous avez aimé ces trois titres, tout l'album vous fera planer. Rien d'innovant dans le groupe de Jay Massis, mais on a toujours besoin de cette énergie rock. Merci et longue vie à Dinosaur Junior. The people, those La douceur de Ryan Adams à l'instant pour reprendre notre souffle après un début de pop and rock énergisé par Parquet Courts et Dinosaur Junior. À présent, que faire? Que vous proposer? J'hésite. De la hargne ou de la douceur? Allez, restons pop pour écouter une étoile filante, X Ambassadors, que nous n'écouterons peut-être plus jamais après ce soir dans Pop and Rock. Sing this one with me. Sing. I said hey, hey, hey, hey, living like we're renegade. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, êtes bien dans Pop and Rock comme tous les lundis entre 17h et 18h sur Radio Val de Rhin. Et rappelez-vous, retrouvez-nous sur la page Facebook de Pop and Rock. Vous y retrouverez tous les artistes de nos playlists. Morning calls, darkness draws. Upon this day, a shadow falls. Silence walks through the hall. Since I've been gone, gone, gone. 100 years from today, lamp lights ablaze, paves my way. Till Jesus saves my early grave, I will be gone. Gone, gone. Drop the anchor, lift my heart. From stem to stern, I'm torn apart. Mount my horse, pack my car. Tomorrow I'm gone, gone, gone. Seek the hope, leave the dead. Silver moon silhouettes. In due time you will forget that I am gone, gone, gone. I will be gone, gone, gone. Since I've been gone, gone, gone. Tomorrow I'm gone, gone, gone. La coolitude de The Choral pour revenir à des groupes estampillés pop and rock. On vient d'écouter Shadows Fall, que nous avons partagé déjà plusieurs fois dans Pop and Rock, mais ce soir, ce morceau est l'intro à deux autres titres issus du dernier album de The Choral sorti il y a quelques semaines. Laughing in the face of love, I'm raking the bone. In a world that's turned to dust, now there's nobody there in the place where I sleep. In the stars, pulling at every seam, I feel like a fly. Before it hits the window screen, now I can hear the sound of these words that I speak. The Coral avec leur dernier album Coral Island qui suit une tendance qui nous renvoie vers le rock californien des années 70, on aime ou pas. Pour ma part, j'avoue sans être fan y trouver une source rafraîchissante, alors je vous envoie un deuxième extrait de Coral Island de The Coral, le titre c'est Lounge of the Lost. Dans la mouvance nostalgique, la semaine passée, nous avions découvert les certainement très amoureux des Beatles, les Cheap Trick. Where? Et la semaine passée, je vous avais aussi offert Baby Strange, rappelez-vous. Push it all the way to your hands, draw blood. Staring at yourself in the mirror. Staring at your face till your skin looks old. Push it all the way to the limit. Don't tell me once, told me twice before. Looking up high for redemption. The one who's looking down, I've got another question. I wanna believe, but I'm sinning. I wanna go to church, but my heart's not in it. It's been going on. J'adore ces morceaux où on croit que c'est fini et en live tout le monde applaudit. Pourtant, pour notre troisième nouveauté du soir, si le groupe n'a jamais fréquenté les playlists de pop and rock, le genre musical y est très présent. Teenage Fan Club est le nom du groupe et au premier abord, il me donne plutôt envie de fuir. Et puis j'ai lu l'article sur eux de Rock and Folk et ça m'a donné envie de gratter. Nothing replied. Me being something isn't something I tried. Don't be afraid of this life. Don't be afraid of this life. Out of my mind, another mulatto's trying hard to unwind. Old Dionysus is in deadly decline. The poor people can't afford a bottle of wine. Don't be afraid of this life. Don't be afraid of this endless arcade that is life. Bon, ok, vous allez me dire que c'est encore un groupe qui aurait été heureux d'avoir des cheveux longs et des chemises à fleurs, du sable et des plages dans lesquelles planter leur longboard. Teenage Fan Club aime les synthés 70s, je dirais, et les harmonies du 20e siècle. Mais soyez rassurés, pour vous ce soir, j'ai choisi les deux morceaux les plus dynamiques. Le reste de l'album, si j'aime, pas sûr qu'il vous permette de rester éveillé. I've been lost and lonely, and I've been thinking of you only. Your love can't save me from the darkness that unfolds me. A pale imitation of the life. Radio Val-de-Rhin et ouvrez vos karmas pour profiter des Kings of Leon. Just left me. qu'une grosse dizaine de minutes avant de nous quitter, alors il est temps de profiter de quelques classiques de pop and rock, à commencer par le Bunker de Balthazar. Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, thing left to ask for. Yeah. See my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. I need a sinner around me. Yeah. Every time I walk on by. Not a thing in the world, a thing left to repeat. So leave my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. I need a sinner around me. Yeah. So leave my broken bones. Take a load of your skin. Throw me all your stones. We need a sinner out now. Yeah. Don't you know what to say? Every time you think about it, talk around it again. Don't you know where to stay? Every time you think about it, talk around it again. Pour nous quitter, s'ils ne sont pas des habitués de pop and rock, ce sont quand même des beaux classiques. On écoute le Clocks de Coldplay. Des sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Love. dismissed opportunities. Am I a part of the cure? Or am I part of the disease? Singing you, oh, you, oh, asking for sympathy and being caught in between all you wish for and all you've seen, and trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you always. God's love be with you. I know I would apologize if I could see in your eyes. 'Cause when you showed me myself, you know, I became someone else. But I was caught in between all you wish for and all you need. I picture you fast asleep, a nightmare comes, you can't keep away. May God's love be with you always, always. May God's love be with you. 'Cause if I find my own way, how much will I find? If I find, if I find.